Chapitre 39. Elfrona, orbite basse. Loden écarta vivement son vector du vaisseau Nihil neutralisé. Il plaqua son sabre laser sur la console de contrôle et les commandes d'armement s'illuminèrent. Il activa les boucliers, mais savait qu'il ne résisterait qu'à quelques tirs de l'armada qui venait de surgir de nulle part. Par conséquent, l'astuce consistait à ne pas se faire toucher. « Indira !» cria-t-il en consultant les menaces en approche sur sa console et en analysant toutes les informations transmises par la Force au sujet des innombrables vaisseaux qui l'entouraient. Il y eut une brève pause. L'espace d'un souffle, comme si toute la flotte ennemie se concertait pour prendre la même décision collective. Puis les blasters se mirent à mitrailler. Partout, en cascade. Loden plongea, vira et se faufila pour compliquer au maximum la tâche de ceux qui le visaient, sachant qu'au milieu d'un tel champ de tir, il courait autant de risques de recevoir un faisceau perdu que de se faire abattre par un véritable tireur d'élite. Il cessa donc de réfléchir et s'abandonna à la Force, la laissant guider ses gestes. En cogitant trop, il finirait par s'en mêler lui-même dans la marche à suivre. Il ne pouvait en être certain, qui pouvait l'être, mais il pensait que son heure n'était pas encore venue. Un tir de blaster ricocha sur ses boucliers avant et il revit son estimation. « Peut-être que mon heure n'est pas encore venue, » pensa-t-il. « Je suis là, Loden. » répondit Indira. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Une flotte de Nihil vient de surgir de l'hyperespace, et ils n'ont pas l'air particulièrement ravis. »« Ici ? C'est impossible !»« Je t'en prie, explique-leur. »« Tu vas bien ?»« Pour le moment, oui. Je me contente d'éviter de me mettre en travers de leur chemin. Mais je n'y arriverai pas éternellement, il faut qu'on trouve une solution et vite. » Après une brève pause, Indira reprit la parole. Ils ne tirent ni sur ce vaisseau, ni sur mon vector. Je sais. Ils doivent chercher à garder la famille en vie. Répondit Loden en lâchant une rafale avec ses propres canons, abattant l'un des plus petits appareils des Nihil. Qui sont ces Blight? Pourquoi sont-ils si précieux? C'est vraiment important? Non, mais je ne peux prendre que l'un d'eux à bord de mon vector, Loden. Le père veut que je m'occupe d'abord de son fils si je parviens à le sortir de là. « Mais je ne sais pas vraiment comment semer les Nihil, même si je parviens à retourner dans mon vaisseau. »« Fais comme ça. Prends le fils. Je couvrirai votre retraite et ensuite j'irai chercher le père et je vous suivrai sur Elfrona. La sécurité planétaire refuse peut-être de s'occuper d'une seule bande de maraudeurs, mais il faudra bien qu'elle réagisse face à une flotte d'invasion tout entière. »« D'accord. Mais, Loden, comment vas-tu t'y prendre ?» Il effectua un tonneau et tira de nouveau. Cette fois, il manqua sa cible, mais au moins il était vivant et toujours prêt à se battre. « Eh !» fit-il. « Je vais sans doute me fier à la Force, un truc du genre. » Aucune réponse de la part d'Indira. Loden éclata de rire. « Tout ira bien. Ou pas, mais je ferai de mon mieux. Rends-moi un service et laisse le sas extérieur ouvert quand tu partiras, Indira. » « À t'entendre, on dirait que tu as vraiment un plan. » « Je n'irai pas jusque-là. » Disons un enchaînement de 5 tâches impossibles. Je vais simplement m'y atteler, une à la fois. Il piqua en direction du plus grand vaisseau des Nihil, esquivant brièvement les tirs des 9 ou 10 appareils plus modestes qui le traquaient, tout en s'exposant aux rafales de laser du croiseur. Mais mieux valait un assaillant que 10. Le temps presse, Indira. C'est le moment de leur rentrer dedans. Prête ? Prête. On y va ! Cria Loden. Il ralentit son souffle en puisant dans la Force et lâcha les leviers de commande qu'il n'effleurait plus que du bout des doigts. Les vecteurs étaient des appareils réactifs, et celui-ci prêtait davantage d'attention encore aux ordres de son pilote que la plupart des autres. Loden avait entendu son padawan, ou plutôt son ancien padawan, puisque Bell deviendrait sous peu un chevalier Jedi lui aussi, indiquer le nom du vaisseau à Tizon quand il croyait que personne ne l'écoutait. Le Nova. Peut-être que Bell gardait ce nom secret parce qu'il considérait ça un peu idiot ou puéril. Mais Loden le trouvait magnifique. Il regretta de ne pas l'avoir dit à Bell. Il faudrait qu'il le fasse la prochaine fois qu'il se verrait. Très bien, Nova. Il est temps de faire honneur à ton nom. Avec ses mains, Loden pilota le vaisseau tandis qu'il employait la force pour actionner les armes et se faufiler à travers le champ de bataille. Lenny, il n'avait jamais vu personne voler de la sorte, et il n'avait aucun moyen d'anticiper ses mouvements ou, lorsque Loden choisissait de tirer pour tuer, de lui survivre. Le Nova s'était transformé en fleur de feu et de laser, tourbillonnant dans la bataille. Chaque tir trouvait sa cible. Chaque déplacement lui permettait soit d'esquiver, soit de choisir sa prochaine proie. Les assaillants Nihil passèrent d'une posture d'attaque à ce qui ressemblait à une retraite en panique. La nuée sphérique de vaisseaux qui entourait Loden s'éloigna et perdit en densité, à la fois en raison de la distance qui séparait les appareils et parce qu'il en réduisait régulièrement le nombre. Seul le vaisseau-mère demeurait immobile, les lasers de Loden ricochant sur ses boucliers. Une sensation diffuse l'informa que le Vector d'Indira avait saisi l'occasion pour sortir de l'ombre du vaisseau des ravisseurs et se faufiler par une brèche de la défense ennemie. Comme il s'y attendait, les Nihil restants ne la poursuivirent pas. De toute évidence, ils surveillaient les communications entre Loden et Indira ou avaient accès au flux des cams installés à l'intérieur de leur vaisseau endommagé. Dans tous les cas, ils savaient lequel des Blight Indira avait pris. Le garçon. Ce n'était pas lui qui les intéressait. Pour une raison mystérieuse, il voulait le père, et la mission de Loden consistait à s'assurer qu'il ne l'enlève pas. Il savait comment s'infiltrer dans le vaisseau des Nihil, mais pas vraiment ce qu'il y ferait ensuite. S'en sortir indemne semblait improbable, dans le meilleur des cas. Tout comme repousser une énorme armada ennemie à bord d'un seul Vector le temps que sa collègue s'échappe, et il avait pourtant réussi. Il trouverait bien quelque chose. Loden vira pour se diriger droit sur le vaisseau Nihil endommagé qui contenait le dernier Blight captif. Il s'approcha, puis tira brusquement sur les leviers, réduisant sa vélocité à zéro et sentant l'accélération le tirer en avant. Au moyen d'une série de gestes rapides assistés par la force, il retira son sabre laser de la console, l'arme encore chaude lui brûla presque la main, déclencha l'ouverture d'urgence de la verrière du Vector, déboucla son harnais de sécurité et s'élança hors du vaisseau, dans l'espace. Loden avait visé à la perfection. Ou presque. Il parvint à franchir le sas ouvert du vaisseau Nihil endommagé, mais sa jambe heurta le rebord de la trappe. À cette vitesse, il eut l'impression qu'on lui assénait un coup de marteau en dur acier. Les os de son tibia se brisèrent, et l'espace d'un instant, Loden ne sentit rien. Mais l'instant ne dura pas. Lui succéda la douleur, incandescente. Loden percuta ensuite la trappe intérieure du sas, mais il avait prévu ce choc et parvint à amortir légèrement l'impact. Il pressa le panneau de contrôle qui flanquait l'entrée et la porte extérieure se referma d'un coup. L'atmosphère se rétablit tandis que l'oxygène affluait dans le minuscule espace. Loden en profita pour examiner sa fracture. Sa jambe formait un angle bizarre et l'os semblait avoir percé la peau. Mauvais signe. Dehors, par le hublot du sas, il vit une brève gerbe de flammes et sut qu'il s'agissait de son Vector abattu par un tir des Nihil. « Adieu, Nova, » pensa-t-il. « Tu étais un merveilleux vaisseau. » Rien de tout cela ne le prenait de court. Enfin si, peut-être sa jambe cassée. Ce n'était pas l'idéal. Loden se remémora les méthodes de contrôle de la douleur qu'il connaissait. Alors qu'il gardait conscience de sa souffrance à un certain niveau, il parvint à l'enfermer et à la mettre de côté. L'astuce ne durerait pas, on ne pouvait duper le corps éternellement. Mais avec un peu de chance, ce répit suffirait pour qu'il passe l'étape suivante. Un signal sonore délicat le prévint que l'atmosphère du sas s'était équilibrée avec celle du vaisseau, et la porte intérieure s'ouvrit. Loden se leva en prenant appui sur sa jambe valide. Aucune technique Jedi ne pouvait lui permettre de faire reposer le moindre poids sur l'autre, et il se hissa à l'intérieur. Il vit d'abord les cadavres. Il y en avait plusieurs, des Nils uniquement, et tous portaient les traces caractéristiques d'un assaut au sabre laser. Tous également étaient armés de blasters. Indira n'avait eu d'autre choix que de défendre sa vie et celle des otages avec elle. Ces gens étaient responsables de leur propre mort. Le corps de la pilote gisait là, lui aussi. La femme sans masque que Loden avait influencée avec son contact mental. Ensuite, il vit l'homme qui écarquillait les yeux, un blaster au poing. Il ne ressemblait pas à un Nil, plutôt à un mineur. Le dernier Blight. « C'est vous l'autre Jedi ?» dit l'homme. « C'est vous, le père ?» répondit Loden d'une voix qui tremblait un peu. « Otto Blight, avant toute chose, merci d'avoir sauvé ma famille. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, je n'aurai rien contre un petit coup de main, maintenant que vous en parlez. » dit Loden en désignant sa jambe. Otto regarda le tibia cassé, comprit ce qui s'était passé et hocha la tête. Il rengaina son pistolet et s'approcha d'une cloison où une boîte métallique carrée était fixée. Il la retira, l'ouvrit et prit le Medipack d'urgence qui s'y trouvait. Il en sortit un injecteur et le montra à Loden. « Ça ne va pas soigner une jambe cassée, mais ça vous aidera peut-être à oublier qu'elle l'est. Un petit moment, en tout cas. »« Avec plaisir, » dit Loden. Otto lui tendit l'injecteur et le Jedi l'enfonça promptement dans sa cuisse avant d'appuyer sur le déclencheur. L'objet émit un léger chuintement et la douleur cessa aussitôt. Il cessa de puiser dans la force, économisant ses réserves pour les épreuves à venir. « Ça va mieux ?»« Assez pour nous sortir d'ici. »« Ils ont détruit votre vaisseau, » indiqua Otto. « Je l'ai vu exploser par la verrière. Comment on va faire pour s'enfuir ?»« Nous sommes dans un vaisseau, et ils ne tirent pas dessus. Ils ne veulent pas vous tuer. » Ce qui nous donne un avantage. En premier lieu, essayons de négocier. Je dispose de quelques astuces à utiliser contre leur chef, et si elles fonctionnent... » Il y eut un choc sonore, étourdissant, et au même instant, un objet apparut dans la soute avec eux. C'était l'extrémité pointue d'une sorte de torpille conçue pour percer les coques, ce qu'elle venait justement de faire. Loden tenta de la repousser dans l'espace au moyen de la force, puis s'arrêta en se demandant si le vaisseau serait encore protégé du vide de l'espace. Résoudre un problème risquait d'en provoquer un autre, ce qui revenait au même au final puisque la torpille allait exploser. Il s'en voulait de s'être trompé à ce point dans ses calculs. Mais au moins avait-il sauvé 3 membres de la famille, et Indira, Belle et Porter avaient survécu. Et si son heure avait sonné, eh bien... Des clapets s'ouvrirent à l'extrémité du projectile, libérant un gaz bleu-gris ressemblant à de la fumée ou encore à un nuage d'orage, et ce dernier envahit le compartiment en un instant. Les Jedi pouvaient retenir leur souffle très longtemps, mais tout s'était passé si vite que Loden n'avait pas eu le temps d'inspirer. Il vit Otto Blight tomber à genoux, puis basculer en avant les yeux révulsés. Le vertige l'envahit à son tour. Loden puisa dans la force, pensant que, peut-être, s'il parvenait à repousser la torpille, il arriverait à évacuer l'air de la soute et le poison avec lui. Bien sûr, Otto Blight et lui se retrouveraient exposés au vide, mais un problème à la fois. Malheureusement, la force semblait lui filer entre les doigts. Il n'arrivait pas à penser, ni à se concentrer. Il tomba sur le côté, et la douleur qui explosa dans sa jambe lui éclaircit momentanément les idées. L'instant ne dura pas. Il n'arrivait pas à aligner 2 pensées. Il se sentait stupide, engourdi. La trappe du sas s'ouvrit et de l'air pénétra dans la soute, mais pas en quantité suffisante pour dissiper le gaz. La bourrasque permit toutefois de dégager une zone près du sas, permettant à Loden Greatstorm de voir les monstres entrer dans le vaisseau. Les Nils. L'Urna Di pénétra dans la soute, suivie de quelques-uns de ses meilleurs orages. Tous portaient le masque qui permettait à la fois de dissimuler leur identité, de répandre la terreur et, plus important, de filtrer la neurotoxine. Elle avait acheté la recette spéciale de cette substance à un empoisonneur de Nar Shahada et ne l'avait jamais partagée avec les autres maîtres tempêtes. Il fallait bien que les filles aient gardé quelques-uns de leurs secrets après tout. La brume grise tourbillonna, se sépara un instant avant de se refermer, laissant l'Ournadi apercevoir le Jedi et Blight qui gisaient sur le sol inconscient. « Voilà qui devrait régler ma dette auprès de Mark Yonro, » songea-t-elle. Mission accomplie. L'Ournadi pensa à Kassav. Elle se demanda s'il s'en sortait de son côté et s'il était arrivé à se racheter lui aussi. Elle espérait bien que non. « Prenez-les tous les deux !» ordonna-t-elle.